Chapitre 35. Le père et le fils. À peu près vers l'heure où Henri quittait la rue de la Hache et reprenait le chemin de l'hôtel de Mesmes, c'est-à-dire un peu avant 9 heures, un homme filait rapidement le long de la rue Saint-Denis. À cette époque où les boutiques fermaient de bonne heure et n'éclairaient point la chaussée, où il n'y avait ni lanterne ni lampe, où seuls quelques rares cabarets zébraient l'obscurité d'un ray de clarté falote, la nuit était profonde dans les rues à 9 heures. En sorte que cet homme, qui marchait très vite, bouscula un passant sur lequel il alla heurter sans l'avoir vu. Il poussa un juron, grommela quelques mots et, sans daigner s'arrêter, continua sa course. Le passant, qui était sans doute de bonne composition, n'avait rien dit. L'homme en question s'arrêta un instant devant l'auberge de la Devinière, qu'il contempla avec une sorte d'émotion et où il parut un instant vouloir entrer. Mais, secouant la tête, il poursuivit rapidement son chemin en murmurant « Pas d'imprudence, j'ai bien le temps de le voir, que diable !» Il tourna alors dans une ruelle qui aboutit aux abords du temple. 2 minutes plus tard, il soulevait le marteau de la grande porte de l'hôtel de Mesmes. Un Judas s'ouvrit, une figure soupçonneuse parut derrière ce Judas, et une interrogation revêche en sortit. Alors l'homme répondit « Dites simplement à monsieur le maréchal que l'homme qu'il a rencontré à l'auberge des ponts de C est arrivé et désire l'entretenir. » La porte s'ouvrit à l'instant même. La maison du maréchal de Danville, comme celle de Guise, comme celle de beaucoup de grands seigneurs, était organisée sur le modèle du Louvre. Le maréchal avait ses gentilshommes, ses gardes, ses officiers. Et il était roi dans cet hôtel, tout comme Charles pouvait l'être en son Louvre. Jusqu'à Louis XIII, en effet, le roi ne fut guère que le premier gentilhomme du royaume. Richelieu devait commencer plus tard à démanteler tous ses petits Louvres, à décapiter et à terroriser tous ses petits rois, de sorte que Louis XIV ne devait pas seulement hériter un royaume, mais une idée, la monarchie absolue. En même temps que le laquais armorié qui ouvrait, un officier se montra et dit « Vous venez des ponts de C ?»« Oui, da, bien que j'ai pris le chemin des écoliers. »« Alors, vous êtes Pardaillan. »« En effet, j'ai l'honneur d'être monsieur de Pardaillan. Et vous ?»« C'est bien, ne vous fâchez pas. Je suis homme à vous rendre raison d'un oubli, si cet oubli vous a choqué. »« Choqué grandement, d'autant que votre figure ne me revient pas le moins du monde. » « Je m'appelle Orthès et je suis vicomte d'Apremont. À votre service, quand vous voudrez, monsieur de Pardaillan. » « Tout de suite, alors. Rien ne me tourne sur le cœur comme une querelle refroidie. »« Messieurs, messieurs !» intervint un deuxième officier. Le vicomte d'Apremont haussa les épaules et dit à Pardaillan qui déjà dégainait. « Monsieur, ne craignez rien. Je tâcherai que la querelle ne refroidisse pas trop. » Mais le maréchal ne veut pas qu'on se batte ici. Attendez donc, s'il vous plaît, et veuillez entrer, car vous êtes attendu. » Le routier pénétra dans l'hôtel, dont la porte se referma lourdement. « Monsieur, reprit alors Orthès, je vais avoir l'honneur de vous conduire moi-même à la chambre qui vous a été préparée. » « Tout l'honneur sera pour moi, » fit Pardaillan, qui, au salut de son nouvel adversaire, répondit par un salut tout aussi cérémonieux. Précédé d'un laquais qui portait un flambeau, Orthès, vicomte d'Apremont, se mit en route, accompagné de Pardaillan, avec lequel, selon les usages, il se mit à deviser gaiement, comme si un duel n'eût pas été convenu entre eux. On monta ainsi au deuxième étage de l'hôtel et on parvint à une grande belle chambre. « Vous voici chez vous, » fit Orthès. « Voulez-vous souper ?»« Mille grâces !» J'ai dîné et bien dîné en arrivant à Paris. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Ma foi, il est vrai que je tombe de sommeil et que j'espère dormir d'une traite jusqu'à l'aube. Mais dites-moi, monsieur le maréchal n'est donc pas en son hôtel ? Il est absent, en effet, mais il vous attendait pour aujourd'hui ou demain, et dès qu'il arrivera, il sera prévenu. Les deux hommes se saluèrent. Orthès sortit. Et Pardaillan entendit la porte de sa chambre se fermer à double tour. « Ouais, » fit-il en tressaillant, On m'enferme ? Que veut dire cela ? Il courut à la porte. Elle était solide et la serrure eût défié toute tentative d'effraction. Il courut alors à la fenêtre. Elle était au deuxième étage, ce qui ferait à peu près 4 étages de nos maisons modernes où, si l'habitude ne nous avait domestiqués, nous n'oserions entrer qu'en rampant, comme dans des tanières. Bref, il n'y avait pas moyen de sauter d'une telle hauteur sans se rompre les os, accident qui souriait aussi peu que possible au vieux routier. Il jeta rageusement sa toque sur le lit et grommela. « Triple niais, je suis pris. Pardieu, tout devient limpide à présent. La patience, la bonne grâce, les promesses et les écus de Danville, là-bas, à l'auberge des ponts de C. Ah, le lâche, le couard, seul à seul, il a eu peur. Il a mieux aimé feindre d'oublier l'affaire de Margency pour me préparer un bon petit traquenard. Et moi, comme un véritable étourneau, je vais donner tête baissée dans le panneau. Je comprends tout de même l'insolence de cette Hortès. J'y suis, le maître a peur, il veut me faire oxyre par ses valets. Par Pilate et Barabbas, c'est bien ce que nous allons voir. » Telle fut la première pensée de Pardaillan. Cependant, en y réfléchissant, il y avait un détail qui le déroutait. Le maréchal lui avait positivement déclaré qu'il conspirait contre le roi de France. Terrible confidence qui pouvait le conduire à l'échafaud. Ses intentions étaient donc sincères au pont de C. « À moins, murmura-t-il, que cette conspiration n'ait été imaginée pour me donner confiance. Quoi qu'il en soit, je suis pris, et si je ne veux être tout bonnement égorgé pendant mon sommeil, je dois veiller toute la nuit. Moi qui en rage de sommeil !» Pardaillan se mit à marcher furieusement à travers la chambre pour se tenir éveillé. Une heure se passa. Le vieux routier ne marchait plus que les yeux fermés, en titubant. Tout à coup, il n'y tint plus. Il tira son épée, l'assura dans sa main, se jeta sur le lit avec un vaste soupir de satisfaction et gronda « Par tous les diables, il faut que je dorme. Après tout, 2 heures de bon sommeil valent bien qu'on risque un petit égorgement. Et puis, mourir de sommeil ou mourir d'un coup de dague, la différence n'est pas grande. Et puis, la mort et le sommeil se ressemblent tant. » Persuadé qu'on allait venir l'estocader, Pardaillan n'en ferma pas moins les yeux avec délice. 10 secondes plus tard, un ronflement sonore emplit la chambre de ses accents peu mélodieux sans doute, mais ce ronflement en disait long, autant qu'un ronflement puisse dire quelque chose, sur l'insoucieuse et superbe bravoure de l'homme qui dormait là, vautré de tout son long sur le lit, la main crispée sur la garde de l'épée. Le vieux Pardaillan, après de nombreux tours et détours, après s'être fait habiller de neuf et avoir acheté un cheval, après des étapes passées à réfléchir, à combiner ou tout simplement à se laisser vivre, s'était aperçu un beau matin qu'on était au 7 avril, qu'il ne restait plus qu'une livre dans sa bourse et qu'il se trouvait à 18 lieues de la ville de Paris. Il fit les 18 lieues dans sa journée, arriva à Paris au moment où on fermait les portes et, pour attendre la nuit noire, selon la recommandation du maréchal, entra dans le premier bouchon venu où il se fit copieusement servir à dîner. Et il vida même 2 flacons d'un certain vin de Bordeaux, coté 3 livres. Quand on lui annonça que son dîner, vin compris, et celui de son cheval, lui coûtait 11 livres 3 sous, Pardaillan, qui n'avait qu'une livre, laissa son cheval en gage et, comme il faisait nuit, gagna rapidement l'hôtel de Mesmes. On a vu comment il y était arrivé et comment il avait fini par s'endormir de bon cœur, fatigué qu'il était de la longue étape du jour. Lorsqu'il se réveilla, il s'aperçut qu'il faisait grand jour. « Tiens, fit-il, je ne suis pas mort !» À l'instant, il fut sur pied. Presque en même temps, la porte s'ouvrit et le maréchal parut. Il était un peu pâle et avait certainement passé une plus mauvaise nuit que son prisonnier. « Vous voici fidèle au rendez-vous et au jour dit. Je vous remercie, Pardaillan. »« Ma foi, monseigneur, je me repens presque d'être venu. »« Pourquoi ? Ah oui, parce qu'on vous a enfermé ? C'est moi qui en avais donné l'ordre. Pardonnez-moi cette précaution, mon cher monsieur de Pardaillan. J'ai voulu vous éviter une rencontre désagréable. Et j'ai même pensé que si vous faisiez cette rencontre, nos bonnes relations pourraient en être altérées. Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites là, monseigneur. Il importe peu que vous compreniez. L'essentiel est que vous êtes là. Je vais vous demander deux choses, mon cher Pardaillan. Oh, oh, songea le routier, son cher par-ci, son cher par-là. La première, continua le maréchal, c'est que vous vous laissiez enfermer pour aujourd'hui encore. Je vous jure que vous n'avez rien à craindre et que cette claustration sera finie ce soir vers 11 heures. Pardaillan fit la grimace. Alors, reprit Henri, donnez-moi votre parole de ne pas sortir de cette chambre de toute la journée et jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher de ma part. J'aime mieux cela à la bonne heure. Vous avez ma parole, monseigneur. Mais vous deviez me demander deux choses, avez-vous dit ? Voici l'autre, Pardaillan. Je possède un trésor inestimable. Il n'est pas en sûreté dans cet hôtel et je veux le transporter dans une maison où il sera à l'abri. Cette opération se fera ce soir à 11 heures. Puis-je compter sur vous pour m'aider ? Monseigneur, du moment que j'ai consenti à entrer à votre service, j'étais décidé à braver à côté de vous tous les périls. Comptez donc sur moi. Mais vous craignez donc que le trésor en question ne vous soit enlevé pendant le trajet ? Oui, je le crains, fit Henri d'une voix sombre. Or, je n'ai confiance qu'en vous et en l'un de mes officiers, un brave, un fidèle, le vicomte d'Apremont. Pardaillan sourit. Voici donc ce que j'ai combiné. À 11 heures, la voiture quittera l'hôtel. Ah, le trésor sera dans une voiture. Oui, D'Apremont conduira la voiture. Moi, je serai à cheval en tête, et vous, à pied, vous marcherez en arrière-garde, l'épée d'une main, le pistolet dans l'autre, prêt à tuer sans miséricorde quiconque tenterait d'approcher de la voiture. De cette façon, nul que vous, D'Apremont et moi, ne connaîtra la maison où je veux cacher le trésor. C'est dit, monseigneur. Une question seulement. Cette expédition a-t-elle quelque rapport avec la campagne dont nous parlions au pont de C ? En d'autres termes, ce trésor, est-ce du métal ? Ou bien ne serait-ce pas plutôt un trésor en chair et en os ? Henri pâlit et plongea un regard acéré dans les yeux de Pardaillan. Que voulez-vous dire ? Gronda-t-il. Auriez-vous déjà appris ? Il s'arrêta et se mordit violemment les lèvres. Moi ? Je n'ai rien appris, répondit Pardaillan, qui examinait attentivement le maréchal. Je me demande seulement si le trésor en question ne serait pas, par exemple, une couronne, ajouta-t-il en baissant la voix. Il croit qu'il s'agit du roi, s'écria en lui-même le maréchal, dont la physionomie s'éclaira aussitôt. Parce qu'alors, acheva Pardaillan, vous comprenez, monseigneur, je redoublerai de précautions. Écoutez, Pardaillan, je ne puis pas vous dire qu'il s'agit de ce que vous croyez, mais faites comme si réellement vous alliez escorter une couronne. Bon, pensa Pardaillan, ils ont déjà enlevé le roi. Peste, voilà qui nous promet une jolie guerre, c'est-à-dire force Orion à donner et force écu à recevoir. Mais comment se fait-il que Paris soit si tranquille ? Mais une réflexion soudaine traversant son esprit, il demanda. Ainsi, monseigneur, j'ai été enfermé à mon arrivée parce qu'on a craint que je n'apprisse quelle personne était prisonnière en cet hôtel ? C'est exact, dit le maréchal. Il ne mentait pas. Il avait en effet redouté que Pardaillan ne s'intéressât au sort de Jeanne de Pienne et de sa fille. Il ne mentait par réticence et insinuation que sur la véritable identité de la personne prisonnière. C'est bien, fit résolument Pardaillan. Je ne bougerai pas d'ici de toute la journée, et ce soir à 11 heures, je serai prêt. Dès que le maréchal fut sorti sur cette assurance, le vieux routier se dit : puisqu'on n'a pas voulu que je sache qui était prisonnier ici, pourquoi venir me le dire ? Et puisque je le sais maintenant, pourquoi la précaution de m'obliger à rester enfermé toute la journée ? Non, ce n'est pas le roi qui est prisonnier. Et y a-t-il un prisonnier seulement? Ce qu'il y a, d'une façon évidente et sûre, c'est qu'on me cache quelque chose, que je dois ignorer jusqu'à ce soir, et que je veux savoir tout de suite, moi. » Cela dit, Pardaillan commença par s'assurer qu'on ne l'avait pas enfermé. Il était libre. La porte ouvrait sur un corridor dans lequel il fit quelques pas jusqu'au large et monumental escalier qui descendait vers la cour. Il rebroussa chemin, persuadé qu'il serait infailliblement rencontré. Repassant devant la porte de sa chambre, il longea le corridor dans l'autre sens et finit par se heurter à une porte qu'il ouvrit. Cette porte donnait sur un petit escalier tournant. « Voilà mon affaire » grommela-t-il. Et, content de cette première découverte, il rentra chez lui. La matinée se passa sans incident. Pardaillan alla et vint à petits pas, médita, siffla des airs de chasse, tambourina les vitraux de sa fenêtre, bref, s'ennuya du mieux qu'il put. Vers 11 heures, un laquais se présenta qui dressa la table et couvrit cette table des éléments d'un déjeuner plantureux accompagné de flacons de réjouissante apparence. Tandis que l'aventurier se mettait à table et attaquait le déjeuner avec un appétit d'un estomac de 20 ans, le laquais disparut et revint quelques minutes après, porteur d'un sac d'argent. Les magnifiques dents solides et blanches du routier se découvrirent dans un large sourire. « Oh, oh, qu'est-ce que cela » fit-il. « Le premier mois de monsieur l'officier que monsieur l'intendant de monseigneur m'a remis, pensant que monsieur l'officier serait peut-être désargenté par son voyage. » Voilà un laquais d'une exaspérante politesse, pensa Pardaillan. « Eh bien, fit-il tout haut, monsieur l'intendant a bien pensé, a pensé juste, a pensé en digne intendant, et monsieur l'officier est satisfait, car je suppose que monsieur l'officier, c'est moi. Mais dites-moi, mon ami, savez-vous ce que contient ce sac ? » ?»« Oui, mon officier, 600 écus. »« 600 ? Mais je ne dois en toucher que 500. » C'est vrai, mon officier, mais il y a les frais du voyage. C'est ce que monsieur l'intendant m'a chargé d'expliquer à monsieur l'officier. 100 écus pour le voyage ? Décidément, la politesse de cet homme est moins insupportable que je n'aurais cru. Merci, mon ami. Ayez l'obligeance d'ouvrir ce sac. C'est fait, mon officier, dit le laquais en obéissant. Prenez-y 5 écus. C'est fait, mon officier. Bien, mettez-les dans votre poche, vous irez boire à ma santé. Merci, mon officier, fit le laquais en saluant jusqu'à terre. Je vous promets de boire demain vos écus jusqu'au dernier sol. Pourquoi demain, mon ami? Pourquoi pas aujourd'hui? Sais-tu où tu seras demain? Bois, mon ami, bois dès aujourd'hui. Oui, mais j'ai ordre de me tenir à la disposition de monsieur l'officier toute la journée. Voilà ce que je voulais savoir, grommela Pardaillan. Ainsi, tu dois... Ne pas quitter monsieur l'officier, servir monsieur l'officier sans m'éloigner. Décidément, voilà un animal qui a la politesse bien gênante, songea le routier. Mais j'y songe, fit-il tout à coup. Et mon cheval, mon pauvre cheval. Mon ami, remets la main dans le sac. C'est fait, mon officier. Prends-y encore 5 écus. Je les tiens. Bon. Tu vas me faire le plaisir d'aller immédiatement au cabaret du veau qui tête. Le connais-tu ? Connu, entre la truanderie et le Louvre. Justement, tu paieras un compte d'une 10aine de livres que j'ai oublié de solder hier. Le reste sera pour toi, et tu ramèneras mon cheval. Va, mon ami, va, et quand tu rentreras, aie soin de ne pas me réveiller. Car j'ai mal dormi cette nuit et je veux me refaire cet après-midi afin d'être gaillard et dispo pour certaines promenades que je ferai la nuit prochaine. » Le laquais ne bougea pas. « Eh bien, fit Pardaillan, j'irai demain, mon officier. »« Bah, vraiment? Et si j'ai besoin de mon cheval ?»« Les écuries de monseigneur sont à la disposition de monsieur l'officier. » Pardaillan regardait déjà autour de lui pour voir s'il ne trouverait pas quelque canne à casser sur le dos du laquais, lorsqu'une idée subite le calma. Il se mit à rire, et comme son déjeuner tirait à sa fin, il versa une rasade qu'il offrit à son geôlier, car ce laquais se trouvait bel et bien être son gardien pour toute la journée. « Comment t'appelles-tu, mon ami ? » dit-il. « Didier, pour vous servir, mon officier. » « Très bien. Didier, avale-moi ça hardiment, puisque tu ne peux aller te désaltérer au dehors. » Le laquais secoua la tête et répondit. « Monsieur l'intendant m'a prévenu que si j'acceptais un seul verre de vin de monsieur l'officier, je serais cassé au gage et peut-être quelque chose de pis encore. » Le truand, le misérable capon qui m'assassine de sa politesse, rugit intérieurement le routier. « C'est bon, reprit-il, tu es fidèle et obéissant. Tu iras droit en paradis. » En même temps, il se leva, fit deux ou trois tours dans la chambre pendant que le laquais rangeait la table. Puis il s'approcha de la porte qu'il ferma à double tour. Alors il revint au laquais et lui mettant une main sur l'épaule. « Ainsi, tu ne dois pas me quitter de la journée. Tu vas rester là à m'ennuyer, à m'empêcher de dormir. » « Non pas, mon officier. » « Je dois me tenir dans le couloir, devant la porte. »« Mais enfin, s'il me plaisait de sortir d'ici, tu me suivrais donc comme mon ombre ?»« Non pas, mon officier, mais j'irai prévenir à l'instant monsieur l'intendant. »« Didier, mon ami, que dirais-tu si j'essayais de t'étrangler ?»« Je ne dirai rien, mon officier, je crierai, voilà tout. » Tant d'ingénuité ne suffit pas à désarmer le vieux routier, qui tenait d'autant plus à visiter l'hôtel qu'on avait pris plus de précautions pour l'en empêcher. « Tu crierais ? Non, reste à savoir si je t'en laisserai le temps. » En même temps qu'il prononçait ces mots, Pardaillan saisit vivement son écharpe qu'il venait de dénouer, et avant que le malheureux laquais eût pu faire un geste, il la lui enroulait autour du visage et le bâillonnait solidement. Au même instant, il tira son poignard et dit froidement. « Si tu bouges, si tu fais un bruit, tu es un homme mort. » Didier tomba à genoux et, ne pouvant parler, joignit les mains, geste qui pouvait passer pour une supplication assez éloquente, malgré le silence forcé du suppliant. « Bon, fit Pardaillan, te voilà raisonnable. Et moi, me voici débarrassé de tes agaçants, monsieur l'officier. Maintenant, écoute-moi bien. Es-tu décidé à m'obéir ?» « Réfléchis avant de t'engager. » Le pauvre laquais, par une mimique expressive, jura l'obéissance la plus fidèle. « Très bien, fais-moi donc le plaisir de retirer ce pourpoint galonné et armorié, ces chausses de drap jaune et cette toque à aigrette. Tu vas revêtir ma casaque et enfiler mes bottes pendant que je me parerai du somptueux costume que tu portes si bien. C'est une lubie. » « Je veux voir quel air j'aurai en laquais de monsieur l'intendant de Monseigneur. » Tout en parlant, l'aventurier aidait le laquais à se dévêtir, car le pauvre homme, tout tremblant, n'y fut pas arrivé tout seul. En quelques minutes, le changement fut opéré. Didier était vêtu en Pardaillan, et Pardaillan se carrait dans le costume armorié du laquais. « Maintenant, couche-toi, monsieur l'officier !» fit Pardaillan. Le laquais obéit et se jeta sur le lit. Pardaillan lui couvrit la tête, comme on le fait pour ne pas être gêné par la lumière du jour. « Si tu entends la porte s'ouvrir, ajouta-t-il, tu te mettras à ronfler et tu ne feras pas un mouvement, à moins que tu ne veuilles que je te coupe les deux oreilles. » Un grognement plaintif et étouffé lui apprit que Didier était disposé à l'obéissance la plus passive. Alors il sortit de la chambre et s'installa dans le couloir. Il régnait dans ce couloir une certaine obscurité. Pardaillan se dirigea à tâtons vers le petit escalier tournant que nous avons signalé. Mais il n'avait pas fait deux pas que cette porte s'ouvrit et livra passage à un homme dont Pardaillan reconnut la tournure. C'était l'écuyer qui accompagnait le maréchal pendant son séjour à l'auberge des Ponts de C. Le vieux routier fit immédiatement demi-tour. L'instant d'après, il était rejoint par l'homme. « Monsieur de Pardaillan, que fait-il ? murmura l'écuyer. « Dors !» souffla laconiquement Pardaillan. L'écuyer entr'ouvrit doucement la porte, aperçut le faux Pardaillan sur le lit, entendit un ronflement sourd et referma la porte en disant à voix basse. « C'est bien, ne bouge pas d'ici. Dès qu'il sera réveillé, viens me prévenir. » Là-dessus, celui que Pardaillan appelait l'écuyer du maréchal poursuivit son chemin à pas étouffés et descendit le grand escalier. « Ouf !» murmura l'aventurier. « J'en ai la sueur dans le dos. Mais maintenant, je crois que je suis tranquille pour une heure ou deux. C'est bien le diable si je ne découvre pas le mystère, c'est-à-dire la personne que l'on cache dans cet hôtel et qu'on tient tant à ne pas me laisser voir. Allons, à la découverte !» Aussitôt, il gagna le petit escalier et commença à descendre. « Il fait noir comme dans un four, » grommela-t-il. « Je crains bien de m'être lancé sur une fausse piste. » Comme il achevait ces mots, il posait le pied sur les trois paliers du premier étage. Là, une porte était ménagée qui permettait d'entrer dans les appartements du maréchal. Pardaillan allait passer outre et continuer à descendre lorsqu'à travers cette porte, un bruit de voix lui parvint. Vivement, il colla son oreille à la serrure. Et très nettement, il entendit prononcer son nom à diverses reprises. À peu près vers le moment où Pardaillan bâillonnait le laquais Didier, une chaise sans armoirie s'arrêtait devant l'hôtel de Mesmes. Un homme en sortait mystérieusement et pénétrait aussitôt dans l'hôtel. Sans doute, c'était un personnage d'importance, car il fut introduit à l'instant même dans le cabinet du maréchal de Danville. Celui-ci, en apercevant son visiteur, alla au-devant de lui avec une certaine émotion, en disant à voix basse « Vous ici ? Quelle imprudence !» L'imprudence eût été plus grande encore si je m'étais rendu chez Monseigneur de Guise ou chez Tavannes. Et pourtant, la chose est si grave que je devais vous prévenir au plus tôt. Depuis hier, je ne vis pas. J'ai pu tout à l'heure m'échapper de la Bastille sans éveiller de soupçons. Je vais tout vous dire. Il faut que Guise soit prévenu aujourd'hui. Il y va de notre tête à tous. Vous exagérez, Guitalin, dit Danville, qui, cependant, devant l'air effaré de son visiteur, ne put s'empêcher de pâlir. Ce visiteur n'était autre, en effet, que Guitalin, le gouverneur de la Bastille. « Voyons, qu'y a-t-il ? » reprit le maréchal. « Sommes-nous seuls ? Êtes-vous sûr qu'on ne peut nous entendre ? » ?»« Parfaitement sûr. Mais pour plus de précautions, venez. » Le maréchal introduisit alors Guitalin dans une étroite pièce qui faisait suite à son cabinet. « Là, fit-il, nous sommes maintenant séparés des gens de l'hôtel par mon cabinet, ma salle d'armes et une antichambre. Quant à cette porte, elle donne sur un escalier dérobé. Il n'y a que moi et Gilles, mon intendant, qui puissions passer par là. Or, vous savez que Gilles connaît toute notre affaire. Expliquez-vous donc sans crainte. » « Eh bien, dit Guitalin en tombant sur un fauteuil, il y a que nous sommes probablement perdus. « Il y a un homme dans Paris qui connaît notre secret et qui, selon son bon plaisir, peut nous envoyer à l'échafaud ou nous faire grâce. »« Un homme connaît notre secret ?» s'écria le maréchal en pâlissant. « Prenez garde à ce que vous me dites là !» Hélas, ce n'est que trop vrai. Cet homme a assisté à notre dernière réunion à l'auberge de la Devinière. Je vous dis qu'il sait tout. « Quel est cet homme ? Comment s'appelle-t-il » « Pardaillan, » dit Guitalin. Pardaillan ? » s'écria Henri stupéfait. « Un homme qui paraît la cinquantaine, bien qu'il ait plus de 60 ans, maigre, sec, la moustache grise et rude ?»« Pas du tout. Le Pardaillan dont je vous parle est un jeune homme. Je serais étonné qu'il ait plus de 22 à 23 ans. Œil glacial, bouche crispée par un singulier sourire, voix tantôt caressante, tantôt mordante, taille svelte, épaules larges, gestes moqueurs, la main toujours prête à chercher la garde de l'épée. Voilà mon homme. En ce cas, c'est son fils, le fils dont il m'a parlé. Son fils ? Dit Guitalin sans comprendre. Oui, je m'entends. Continuez. Vous disiez que ce Pardaillan a surpris notre secret à l'auberge de la Devinière. Un mot d'abord. Êtes-vous sûr que ce jeune homme est seul à connaître le complot ? Oui, je le crois du moins. En ce cas, nous pouvons nous rassurer. Je sais un moyen de m'emparer de ce pardaillant et de le réduire au silence. Mais comment avez-vous su ? Parce que je l'ai eu en mon pouvoir pendant quelques jours en ma qualité de gouverneur de la Bastille. Il m'a été amené, on m'a recommandé de le surveiller étroitement. Mais alors, la question est des plus simples, fit le maréchal. Comment cela ? Est-ce qu'il n'y a plus d'oubliettes à la Bastille ? Mais il est libre, il est dehors. J'ai dû le laisser partir. Que dis-je ? Lui ouvrir moi-même les portes en m'excusant de l'avoir gardé. Le maréchal se demanda un instant si Guy Talens n'était pas devenu fou. Cela vous étonne ? Continua le gouverneur de la Bastille. Quand j'y songe, et depuis hier, cette pensée ne m'a pas quitté une seconde. Je ne me contente pas d'être étonné, moi. J'en suis stupide, effaré, fou. Cet homme tenait ma vie entre ses mains et j'ai dû le mettre en liberté. Calmez-vous, mon cher Guy Talens. Expliquez-vous avec plus de précision. Si ce jeune homme est bien celui que je crois, le mal n'est peut-être pas aussi grand qu'il vous apparaît. Le ciel vous entende ! Fit Guy Talens en roulant des yeux terrorisés. Et il entreprit le récit de la tragicomédie qui s'était passée à la Bastille et à laquelle ont assisté nos lecteurs. Qu'en dites-vous ? Ajouta-t-il en terminant. Je dis que c'est merveilleux et qu'il faut à tout prix nous attacher ce jeune homme. J'en fais mon affaire. Vous le connaissez donc ? Non, mais je connais quelqu'un qui le connaît et cela suffit. Allez, mon cher Guy Talens, et rassurez-vous, je me charge de prévenir le duc de Guise en cas de danger. Mais de danger, il n'y en aura pas. Ce soir ou demain, le jeune pardaillant sera en notre pouvoir. Votre tranquillité me fait du bien, dit Guy Talens. Je commence à respirer. Si ce sacripant tombe en notre pouvoir, comme vous le pensez, ramenez-le-moi. D'autant mieux que je risque ma place pour l'avoir laissé partir, en admettant que je ne risque pas ma tête. Vous savez qu'il y a encore de bonnes oubliettes à la Bastille. Soyez donc tranquille. Demain, je vous amène le jeune pardaillant, pieds et poings liés, à moins toutefois qu'il n'y ait quelque chose de mieux à en faire. Guy Talens regagna sa chaise aussi mystérieusement, mais un peu plus rassuré qu'il en était sorti. À ce moment même, le vieux pardaillant rentrait précipitamment dans sa chambre, reprenait son costume, obligeait Didier à remettre le sien sur son dos avec rapidité et lui disait « Santé cul pour toi si tu ne dis pas un mot de ce qui t'est arrivé. Un coup de poignard dans le ventre si jamais tu en parles à qui que ce soit. Choisis. » « Je choisis les santé cul, pardieu !» fit Didier, trop heureux d'en être quitte à si bon compte. Et sans façon, il se mit à puiser dans le sac. Maintenant, fit Pardaillan, va prévenir monsieur l'intendant que je suis réveillé, comme il t'en a donné l'ordre tout à l'heure dans le couloir, avant d'ouvrir la porte pour s'assurer si je dormais, comme tu lui disais. Va donc, imbécile, tu ne comprends pas ? Si fait, si fait ! Je comprends que monsieur Gilles vous a pris pour moi. Je cours le prévenir. Pardaillan s'installa dans un fauteuil, les jambes allongées, remplit son verre comme s'il eût été occupé à boire et attendit les événements. Ce qu'il venait d'entendre dans le petit escalier tournant avait complètement modifié ses idées. Car nos lecteurs ont compris que Pardaillan avait surpris la partie la plus intéressante de l'entretien qui venait d'avoir lieu entre le maréchal et le gouverneur de la Bastille. Il oublia dans quel but il avait entrepris des recherches à travers l'hôtel. Qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas une personne que le maréchal tenait à lui cacher, il ne s'en soucia plus. Le danger que courait son fils l'absorba et il se mit à réfléchir aux moyens de prévenir au plus tôt le jeune chevalier. C'est à ce hasard, bien plus qu'aux précautions du maréchal, que le vieux pardaillant dut d'ignorer la présence dans l'hôtel de Mesmes de Jeanne de Pienne et de sa fille. Eût-il entrepris la délivrance de Jeanne s'il eût su cette présence ? Comme il n'entre pas dans notre dessein de montrer nos héros plus beaux que nature, nous devons dire que nous en doutons. Qu'était-ce en effet que le vieux pardaillant ? Un aventurier. Son éducation morale n'existait pas. S'il avait le sens du beau et du bien, c'était encore à l'état naturel, c'est-à-dire en cet état où les appétits et les instincts de conservation personnelle dominent le reste. À Margency, il avait eu, il est vrai, un beau mouvement de pitié. Mais qui sait si, dans ce cœur racorni, cette pitié eût encore parlé bien haut. Quoi qu'il en soit, nous devons ajouter que le vieux Pardeillan aimait son fils. Son inquiétude et sa douleur, au moment où il apprit que ce fils risquait fort d'être jeté dans une oubliette de la Bastille, se traduisirent par de nombreux jurons grommelés à voix basse et par quelques rasades avalées d'un trait. Nous ferons grâce au lecteur des réflexions qui se succédèrent dans le cerveau du vieux routier, pareilles à des images de cauchemars qui se succèdent sur un écran. Sa conclusion fut ce qu'elle devait être. « Je vais à l'instant même sortir de l'hôtel et me rendre à l'hôtel de la Devinière. Si quelqu'un veut s'opposer à ma sortie, ma foi, je tue. On s'expliquera ensuite. » Sur ce, il boucla son épée, s'assura qu'elle jouait bien dans le fourreau, et déjà il s'apprêtait à sortir de la chambre lorsque Danville parut. « Eh bien, fit le maréchal, avez-vous fait un bon somme ? Êtes-vous dispo pour ce soir, maître Pardeillan ?»« Je vois, monseigneur, que vous êtes bien renseigné. Peste, vous avez des serviteurs qui savent tout voir et tout rapporter. » »« La vérité est plus simple, fit Danville en rougissant un peu. J'ai voulu venir vous voir tout à l'heure, et comme on m'a assuré que vous dormiez, je n'ai pas voulu interrompre votre somme, et j'ai commandé qu'on me prévînt dès que vous seriez éveillé, tant que j'avais hâte de vous voir. » « Hâte qui m'honore infiniment, monseigneur. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être tranquille. Je suis maintenant capable de veiller 3 jours et 3 nuits s'il le faut. Je ne vous en demande pas tant. À minuit, tout sera fini. Et à cette heure-là, je serai libre, monseigneur. » Libre comme l'air, libre d'aller où bon vous semblera. Mais bien entendu, cette chambre demeure à votre disposition pendant toute la campagne projetée. Rue de campagne, je vous en préviens. Aussi, plus nous serons nombreux, mieux cela vaudra. À propos, ne m'avez-vous pas parlé d'un jeune homme, votre fils ? Si fait, monseigneur, dit Pardeillan qui tressaillit. Le croyez-vous capable de donner, à l'occasion, un bon coup d'épée ? Lui, il ne rêve que plaisébos. Eh bien, amenez-le-moi demain sans plus tarder. Où loge-t-il ? Vers la montagne Sainte-Geneviève. L'endroit est singulier. Votre fils veut donc se faire abbé ou devenir docteur ? Non, mais il aime la compagnie de messieurs les écoliers, tous gens de cabaret, bons buveurs, grands spadassins et plaisants diseurs de Phébus. À la bonne heure. Ainsi, je puis compter sur ce jeune homme ? Comme sur moi-même. Le maréchal sortit. Voilà qui change les choses, murmura le vieux routier en dégrafant son épée. « Puisqu'il compte que je lui amènerai mon fils demain, il n'entreprendra rien aujourd'hui. Ce soir à minuit, dès que je serai libre, je ferai un petit tour du côté de la Devinière et nous verrons. D'ici là, inutile de risquer quelque algarade compromettante. Dormons. » Cette fois, Pardeillan se jeta sur son lit et s'endormit tout de bon jusqu'à l'heure du souper. À 10 heures, Henri de Montmorency prit ses dernières dispositions. Gilles, son écuyer, son intendant, son âme damnée pour tout dire, connut seul la retraite où Jeanne de Pienne et sa fille devaient être transportées. Il fut expédié en avant, avec ordre de se tenir dans la rue de la Hache et de surveiller les abords de la maison à la porte verte. Le vicomte d'Apremont devait conduire la voiture jusqu'à l'entrée de la rue de la Hache. Là, il devait mettre pied à terre, tandis que le maréchal, conduisant les chevaux par la bride, amènerait la voiture à l'entrée de la maison. Quant à Pardeillan, il devait marcher en arrière-garde et s'arrêter à l'endroit même où s'arrêterait d'Apremont. De cette façon, le maréchal et son écuyer étaient les seuls à savoir à quel endroit précis la voiture s'était arrêtée. Pardeillan ignorait même toujours ce que cette voiture avait contenu. À 11 heures, Orthez, vicomte d'Apremont, se présenta chez Pardeillan et lui dit « Quand il vous plaira, monsieur. » « Je suis prêt. » Les deux hommes descendirent ensemble. Pendant le trajet, Orthez mit Pardaillan au courant de ce que le maréchal avait décidé. « Un dernier mot, mon cher adversaire, » fit Pardaillan. « Savez-vous qui se trouve dans la voiture ?»« Non, et vous ?»« Je veux être pendu si je m'en doute. » Dans la cour de l'hôtel, la voiture attendait, prête à démarrer. Sans doute, la personne qu'elle devait transporter y était déjà installée, car les mantelets étaient soigneusement rabattus et fermés à clé. D'Apremont se plaça vivement en postillon. Henri, à cheval, fit une dernière recommandation à Pardaillan. Nous irons au pas. Tenez-vous à 10 pas derrière la voiture, et si quelqu'un veut approcher, n'hésitez pas. Vous m'avez compris ? Pour toute réponse, Pardaillan montra l'épée nue qu'il tenait sous son manteau. Il était en outre armé d'un pistolet et d'un poignard. Sur un signe du maréchal, la grande porte de l'hôtel s'ouvrit. Henri prit la tête, la voiture suivit. Pardaillan se mit en marche, scrutant l'obscurité profonde de ses yeux perçants. « Si nous sommes attaqués, se dit-il, ce ne sera sûrement pas aux abords de l'hôtel. » À ce moment, la voiture tournait dans une ruelle. Un coup de feu retentit soudain et jeta un éclair dans la nuit. « En avant !» hurla le maréchal. D'Apremont, qui avait été visé sans être atteint, enfonça ses éperons dans les flancs du cheval conducteur, la voiture s'ébranla au galop, éveillant des échos de ferraille dans le quartier silencieux. « Lâche, voleur de femmes !» rugit une voix rauque et altérée. « Arrêtez ! Arrêtez !» La voiture et le maréchal fuyaient. Cela s'était passé en une seconde. À peine le coup de feu eut-il retenti, à peine le véhicule se fut-il lancé au galop, à peine ces quelques cris eurent-ils été jetés dans le silence, que Pardaillan aperçut une ombre qui courait derrière la voiture. « Voilà le moment d'agir, » songea-t-il. « Ce truand ne se doute pas qu'il a beau courir, il y a quelqu'un derrière lui qui court aussi vite, qui va le rejoindre et... » Il jeta un regard sur la pointe de son épée et il se lança en avant à la poursuite de l'inconnu qui, lui-même, galopait éperdument, cherchant à rattraper le maréchal. Cette course furieuse dura 1 minute. Pardaillan atteignit l'inconnu et, arrivant sur lui, lui porta un coup de pointe furieux. Mais l'inconnu avait sans doute entendu courir derrière lui. Au moment où Pardaillan arrivait, il se retourna et, un bond agile, lui évita le coup terrible que lui destinait son agresseur. Pardaillan profita de ce mouvement de l'inconnu pour se placer entre la voiture et lui. Il lui barrait ainsi le chemin. L'inconnu se rua en avant, la tête haute. À l'instant même, les deux fers se croisèrent. Les épées, une fois engagées, les adversaires devinrent silencieux, chacun d'eux ayant reconnu en l'autre un escrimeur de force supérieure. L'obscurité était profonde et c'est à peine s'ils se distinguaient. Les contacts du fer devaient donc leur suffire pour se guider. Et c'était sinistre, ce duel dans la nuit noire, ces deux ombres en arrêt, ce groupe confus où l'on ne voyait par instant qu'une étincelle d'acier, où l'on n'entendait que les deux respirations courtes et rauques. Cependant, le vieux Pardaillan se tenait sur la réserve, son but étant simplement d'arrêter l'inconnu assez longtemps pour qu'il ne pût rejoindre la voiture dont le grondement se perdait au loin. L'inconnu, au contraire, voulait absolument passer et passer vite. Il tâta donc 2 ou 3 fois le fer de son adversaire et, au jugé, se fendit à fond dans un coup droit et violent. On entendit ce froissement de fer qui ressemble au bruit de la soie qui se déchire. Le coup était paré. L'inconnu se jeta en avant, tête baissée. « Par Pilate » gronda-t-il. « Par Barabbas !» rugit au même instant Pardaillan. Les deux jurons retentirent simultanément. Et à peine les eurent-ils proférés que les deux épées se baissèrent ensemble et que ce double cri se fit entendre. « Mon père !» s'écria l'inconnu. « Mon fils !» répondit le vieux Pardaillan. Ils remirent leur épée au fourreau, non sans une sorte d'embarras chez le vieux Pardaillan, et une sourde colère, ou plutôt un désespoir concentré chez le jeune chevalier. Il y eut une minute de silence pendant laquelle le chevalier, prêtant l'oreille, essaya de percevoir un dernier bruit qui pût lui indiquer de quel côté s'était dirigé Danville. Mais il n'entendit plus rien. « Perdu !» murmura-t-il avec accablement. Le vieux routier, pendant cette minute, avait cherché ce qu'il pourrait bien dire à son fils. Il sentait un vague besoin de se disculper et devinait instinctivement que le chevalier était en droit de lui faire des reproches. Il se campa donc dans son attitude de dignité offensée et, le poing sur la hanche, commença l'attaque. « Après une si longue absence, je vous retrouve, mon fils. Et comment vous retrouvais-je, désobéissant pleinement à mes conseils que vous aviez juré de suivre et que vous eussiez dû considérer comme des ordres ?» « Je vous retrouve, dis-je, en flagrant délit de cette faiblesse d'âme contre laquelle j'avais eu soin de vous mettre en garde. Je vous retrouve, dis-je, vous mêlant de ce qui ne vous regarde pas, vous mettant en travers des larrons de haut vol capables de vous briser comme verre, vous intéressant à des gens qu'on enlève, essayant de secourir des inconnus qui ne crient même pas au secours. Enfin, je vous retrouve faisant tout justement le contraire de ce que vous deviez faire. » Est-ce ainsi que vous avez profité de mes avis? Je vous avais commandé de vous défier des hommes, des femmes et de vous-même. Et vous voici faisant le chevalier errant. Triste métier, mon fils, et qui vous rapportera peu d'écus, encore moins de bonne renommée, et vous conduira tôt ou tard à la potence ou à l'échafaud. Car les hommes, mon fils, sont des bêtes féroces qu'étonnent et humilient la pure vaillance mise au service des causes qui ne doivent rien rapporter. Le moins qui puisse vous arriver, c'est de passer pour fou et que les gens de bon sens vous montrent du doigt en riant et se gaussant entre eux et en disant de vous « En voilà un qui prétend se dévouer sans que cela lui rapporte. Il faut l'enfermer ou le tuer. » Car si de pareils exemples étaient suivis, il n'y aurait plus de profit possible, plus de commerce honnête, plus de grands et petits, et ce serait la confusion universelle, la tour de Babel. « Voilà ce que diront les gens, mon fils, et j'y songe avec amertume, ils auraient raison de le dire. Voyez, mon fils, les terribles catastrophes auxquelles nous serions poussés s'il y avait seulement deux ou trois quarterons des cervelets comme vous. Vous m'en voyez tout confus d'avance, autant que vous puissiez me voir dans cette obscurité. Je finis, mon fils, car je hais les longs discours. Je finis en vous priant de me suivre jusqu'à certains cabarets que je sais, et qui demeure ouvert toute la nuit quand on sait frapper à la porte d'une certaine façon. Eh bien, vous ne venez pas ? » ?»« Mon père, dit le chevalier d'une voix si altérée que le vieux routier en tressaillit, votre intervention me plonge dans un mortel désespoir. Mais quel que soit ce désespoir de n'avoir pu réussir ce que je souhaitais si ardemment, ma tristesse est plus grande encore de voir que nous sommes dans deux camps ennemis. Eh, mordieu, qui vous empêche de venir avec nous? Ce sera tout profit. 100 000 livres vous sont assurées, et peut-être une compagnie vous sera-t-elle... » Taisez-vous, taisez-vous, s'écria le chevalier. Ah, mon père, ne devinez-vous pas ce que je souffre, et quel est mon chagrin de vous entendre parler ainsi? Vous suivez une route, et j'en suis une autre. Adieu, mon père, je vous quitte avec une inaltérable douleur de savoir que vous êtes parmi mes ennemis. « Vous me quittez ?» fit le vieux pardayant d'une voix qui trembla légèrement. « Mais pourquoi me quitter ?» L'ingénuité du routier, inaccessible à certains sentiments, habitué à la dure pour le cœur comme pour le corps, apparaissait dans cette question. « N'est-ce pas vous qui m'y forcez ?» s'écria le jeune homme tout frémissant. « Songez, mon père, songez qu'il a pu arriver cette nuit un événement funeste. J'ai tiré l'épée contre vous. » Songez que si je vous avais touché, si la pointe de l'épée que vous m'avez donnée s'était teinte de votre sang, j'allais tout droit me jeter dans le fleuve. Songez qu'il faudrait que je passe cette rue que vous me barrez, et que pour cela, il faudrait vous mettre en mauvaise posture devant vos maîtres. Ah, mon père, j'ai le cœur déchiré. Puissais-je ne plus jamais vous rencontrer en telles circonstances? Adieu, adieu, mon père. » Le chevalier fit quelques pas de retraite précipités. Le vieux pardayant chancela et alla s'asseoir sur une borne cavalière. Il mit sa tête dans ses deux mains. « Qu'est-ce à dire ? » gronda-t-il. « Mon fils me quitte ? Nous sommes ennemis ? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, moi? Que va devenir cette pauvre vieille carcasse? Je vivais l'espoir de le voir se frayer un chemin, devenir quelque capitaine redouté, l'espoir qu'il fermerait mes yeux au dernier moment. Que sais-je? Et tout cela s'effondre. Quoi? C'est vrai? Je suis son ennemi? Nos routes sont différentes? Il me quitte! Deux grosses larmes coulèrent sur les joues tannées du routier et allèrent perler au bout de ses moustaches grises. C'était la deuxième ou troisième fois dans sa vie que le vieux Pardaillan pleurait. Il porta la main à sa gorge comme pour y étouffer le sanglot qui y râlait. « Fini !» prononça-t-il avec cette tristesse profonde du découragement. Au même instant, il se sentit saisir par les deux mains et il eut un cri de joie rauque, presque terrible, en reconnaissant son fils qui se penchait vers lui et qui, d'une voix étouffée, lui disait « Eh bien non, je ne peux pas vous quitter ainsi. Mon père, il faut que nous nous expliquions. Je mourrai de chagrin à me dire que vous êtes contre moi. Venez !» « Eh, mort de tous les diables !» fulmina le vieux Pardaillan, qui se sentit renaître. « Commençons par nous embrasser. Voilà la meilleure explication. » Le père et le fils s'étreignirent avec une joie délirante chez l'un, avec une joie mêlée de douleur chez l'autre. « Laisse-moi te voir !» s'écria alors le routier. « Si fait, j'y vois tout de même, moi. Je suis comme les chats. Et puis, pour un vieux père, pas besoin de lumière pour bien voir son fils. » Je te vois avec mes doigts. Mordieu, mais tu n'es plus le même. Te voilà fort comme les plus forts. Quelle taille, quelle envergure. Et ton poignet. Peste, mais je ne voudrais pas m'y frotter encore, moi qui connais le fin du fin de l'escrime. Ah ah, tu as donc adopté mon juron? Comme tu as poussé ton parpilate. Je me suis dit tout de suite, ça, c'est mon propre sang qui crie. Allons, viens. Bras dessus, bras dessous, par les cornes du diable, en ce moment, je défierai le monde. Pas par ici, mon père, s'il vous plaît. Allons chez moi, chez vous. Et où est-ce ton chez-toi? À la devinière, je parie. Mais oui, mon père. Bon, et sais-tu ce qu'est la devinière pour toi en ce moment? Un coupe-gorge, un traquenard, où, infailliblement, tu seras pris, étripé, éventré, à moins que tu ne prennes, que tu n'étripes, que tu n'éventres ceux qu'on va envoyer pour te prendre. Ce qui d'ailleurs ne m'étonnerait qu'à demi. Ainsi, vous croyez... Je crois que tu dois commencer par tourner le dos à la devinière. Je connais un certain Guy Talens qui en rage après toi et qui serait charmé de te loger dans une de ses oubliettes. Allons, viens. Cette fois, le chevalier se laissa entraîner sans résistance. 20 minutes plus tard, le père et le fils pénétraient au Marteau qui cogne, cabaret borgne situé sur les confins de la Truanderie, rue des Francs-Bourgeois, et qui, pour certains clients, demeurait ouvert toute la nuit, en dépit des rondes du guet et des ordonnances royales relatives au couvre-feu. Au premier étage du cabaret, dans une salle étroite, ils s'installèrent devant un souper improvisé, et le vieux Pardaillan, en cassant le goulot du premier flacon de Bourgogne, s'écria joyeusement. « Maintenant, raconte-moi tout. Tout depuis mon départ de Paris. Tes amusettes, tes sornettes, tes amourettes, et tes batailles, et tes entailles, et ce que tu as fait, et ce que tu n'as pas fait, tout ce que je ne sais pas et que je meurs d'envie de savoir. Commence, mon fils !»